parle beaucoup d'elle, elle sait qu'elle est en me. Et quand je suis avec elle, elle, all eyes on me. Si l'amour donne des ailes, elle, je prie mal la nuit. Je sais qu'elle c'est la bonne, quand je rêve la nuit. Autour de mon cœur, des fils barbelés. Tu es ma prison, la seule à pouvoir me mettre le bracelet. Si tu es prise, mais toi seul à la clé. Je t'attendrai, je veux pas t'attendre et m'en aller. Rivière de diamants, mec charmant. Je veux être l'homme de ta vie, je veux pas être ton amant. Belle fille simple comme dans mes rêves. J'espère au moins que tu l'intéresses. Qu'elle quitte son mec, je veux pas les restes. Si je la prends interdit que je la délaisse. Son corps, son regard me tient en laisse. T'inquiète, tu tiendrais toutes mes promesses. Si je perds, je t'emmène sur une île de rêve. Tu vas plonger dans une vie de rêve. C'est la mienne, je la veux pour moi. Elle c'est ma fleur, y'en a qui les fleurs. Si je prends son cœur, je le rabats. Dans mon cœur, ça cherche encore mon trésor. Un cœur en or, sans elle je suis comme un bandit mort. Dans mon cœur, ça cherche encore mon trésor. Un cœur en or, sans elle je suis comme à moitié mort. Ça fait longtemps que je te tourne autour, que je te veux, que je ne t'ai pas. Ton regard me donne l'espoir, j'aimerais t'approcher mais je ne peux pas. Je ne sais pas, je n'y arrive pas. Qu'est-ce que tu me dirais si je te dis que je veux que moi dans tes bras. Tu me fais tourner la tête, devant toi je deviens bête. J'aimerais t'avoir pour moi mais tes prix c'est nul, ça chamboule ma tête. Ne me regarde pas, tu touches mon cœur, tu te mets en valeur. Donne-moi quelques heures et je t'en fais voir de toutes les couleurs. Quand je me lève, je pense qu'à toi. Je veux t'avoir près de moi toute ma vie. Ne regarde plus derrière toi, c'est bien moi l'ombre de mon cœur. Je la cherche encore, mon trésor. Un cœur en or, sans elle je suis comme à moitié mort. Mon cœur, je la cherche encore, mon trésor. Un cœur en or, sans elle je suis comme à moitié mort. Je la cherche encore, mon trésor. Un cœur en or, sans elle je suis comme à moitié mort. Tu touches mon cœur, tu te mets en valeur. Donne-moi quelques heures et je t'en fais voir de toutes les couleurs. Quand je me lève, je pense qu'à toi. Je veux t'avoir près de moi toute ma vie. Ne regarde plus derrière toi, c'est bien moi l'homme de ta vie.